un gamin à cause de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et les misères. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le grand bain tous les dimanches. Lui apportait des roses blanches au lieu de s'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant: c'est aujourd'hui dimanche, viens ma jolie maman, voici des roses.